Bonsoir. Bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Ce soir, je vous propose une émission plutôt relaxe, un choix éclectique de musique, tantôt électronique et ambiante, tantôt un peu plus pop. Alors, sans plus tarder, voici Waltz de Stephen Brown. Thank you. écoutez l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Alors, vous venez d'entendre dans le dernier bloc la pièce Not Knowing du groupe d'origine israélienne Minimal Compact. C'est extrait de leur troisième parution dans les années 80, Deadly Weapons, un disque qui est paru en 1984 sur l'étiquette bruxelloise Cram Disc. Le groupe nous propose un mélange de New Wave, de Post-Punk et Art Rock, épithète qui n'existait pas à l'époque. Il est constitué des musiciens Malka Spiegel, Barry Sakharov, Sammy Burnback, Rami Fortis et Max Franken. Mark Hollander du groupe Aksak Mabul est aussi musicien invité. Thank you. sais pas pourquoi. Peut-être près de moi. Tu te souviens de l'appartement de ma C'était vraiment beau. Surtout, j'aimais la chambre rose. Thank you. and I know the feeling so well. I've been waiting for you for so long, and tomorrow never comes. Tomorrow never comes. Tomorrow never comes. Tomorrow never comes. D'entendre dans ce deuxième bloc la pièce Tomorrow du groupe britannique de Dorothy Cullum. C'est extrait de l'album Circuses and Bread, un album qui est paru en 1986. De Dorothy Cullum, c'est le projet du musicien Vinnie Riley, qui est accompagné à l'occasion de Bruce Mitchell à la batterie et de Kerr Stewart à la basse. C'est un des premiers groupes à avoir signé sur l'étiquette de Manchester, Factory Records. Juste avant, vous avez entendu la pièce The Pink Room du japonais Seigen Ono. C'est extrait de son deuxième disque, The Green Chinese Table, qui est paru en 1988. Seigen Ono, c'est un compositeur, musicien et ingénieur audio japonais qui a collaboré entre autres avec Ryuichi Sakamoto, Sadao Watanabe, le groupe Manhattan Transfer, Joe Jackson, The Lounge Lizards, Arto Lindsay, John Zorn et David Sylvian, entre autres choses. La musique de Ono est souvent instrumentale avec des accents d'ambient music influencés par Brian Eno, de musique contemporaine et de jazz. On a débuté ce bloc avec The Transparent, une pièce du plus récent disque du groupe britannique Deux Filles. Son titre, Shadow Farming, qui est paru en juillet dernier. Le groupe Deux Filles est constitué de Simon Fisher-Turner, qui est aussi acteur, et de Colin Lloyd Tucker. Le duo a brièvement collaboré à la première incarnation du groupe The De, le groupe de Matt Johnson, à la fin des années 70. Le groupe se présente ainsi avec leur premier enregistrement de 1982 comme étant un duo de jeunes filles françaises réunies à la suite de circonstances tragiques. Leur musique peut être catégorisée d'ambiante et d'expérimentale avec l'apport d'échantillons sonores. Après la pause, on se dirige vers la France et le Japon. Thank you. Thank you. écoutez l'émission Les échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Vous avez entendu dans le dernier bloc la pièce Bananatron du duo japonais Inoyama Land. Ça vient de la compilation de musique de ce duo Commissions 1977-2000, une compilation qui est parue en 2019. Inoyama Land, c'est Yasushi Yamashita et Makoto Inu, deux artistes qui s'intéressent aux musiques ambiantes, électroniques et avant-gardistes et aux installations sonores. Ils sont actifs depuis la fin des années 70. On a débuté le bloc avec la Française Colleen et un extrait de la pièce The Tunnel and the Clearing de l'album du même nom qui est paru au mois de mai dernier. Colleen, de son vrai nom Cecil Schott, est une artiste de musique ambiante et minimaliste. Les musiques sont créées avec divers instruments comme le violoncelle, la viole de gamme, le kalimba, la clarinette et depuis quelques disques avec des synthétiseurs analogiques modulaires. On s'en va maintenant dans les années 60 avec le groupe Free Design. Thank you. Écoutez l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Vous venez d'entendre la pièce Silhouette des Belges Aksak Maboul, ici dans un remix du groupe Vanishing Twin. C'est extrait de leur tout nouveau disque Red Round Figures 1, qui est paru le 22 octobre dernier. Aksak Maboul est un groupe dirigé par Mark Hollander, aussi fondateur du label Cram Disc. Le groupe existe depuis 1977. Mark Hollander est aussi membre du groupe The Honeymoon Killers. Ça a été précédé par Big Moonlight Ukigeku du groupe britannique Vanishing Twin, qui ont justement fait le remix de la pièce d'Aksak Maboul. C'est extrait de leur plus récent disque Ukigeku, qui est paru le 15 octobre dernier. Vanishing Twin est dirigé par la chanteuse et guitariste Cathy Lucas. On a débuté le bloc avec Analogy du quatuor américain de Free Design. C'est extrait de l'album You Could Be Born Again, un album qui est paru en 1968. The Free Design est un groupe de musique pop vocale qu'on peut étiqueter de Sunshine Pop et Pop Baroque, formé par des membres de la famille Dedrick et produit par Enoch Light. Après la pause, on écoute le duo The Books. Thank you. Tokyo. Bye-bye. Normal téléphone. Normal téléphone. Normal téléphone. Oh, normal téléphone, normal téléphone. Allô, allô. Allô, allô. Ah ja, okay, tschüss. J'ai rien fumé depuis. Encore d'heure, tout juste. Je tousse à la folie. Un orage. miséricordieux. Dieu délicieux, Dieu juste. Fais gaffe au contentieux, c'est vraiment trop injuste. Écoutez l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Alors, vous venez d'entendre la pièce Calimero, chantée par Brigitte Fontaine et accompagnée par le groupe Stereolab. C'est extrait du 45 tours Calimero Cache-Cache de Brigitte Fontaine, Stereolab et Monade, un 45 tours qui est paru en 1999. C'est leur unique collaboration. Ça a été précédé de Toy Telephone, une pièce du musicien allemand Holger Hiller, qui était aussi membre du groupe allemand Palais Schomburg. Ça vient du disque Little Present, paru en 1993. On a débuté ce bloc avec la pièce Tokyo, du duo américano-néerlandais The Books, qui était formé par Nick Zamuto et Paul DeYoung. C'est extrait de l'album The Lemon of Pink, qui est paru en 2003. Le duo a produit 4 disques et quelques EP dans les années 2000. Alors on poursuit avec une nouveauté du groupe Bitchin' Bias. Thank you. C'est déjà tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce soir. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand à l'animation et au choix des musiques. Vous avez entendu dans ce dernier bloc le vaisseau oublié du saxophoniste français Laurent Barden. Cet extrait de Barden-Jaumet qui est paru le 12 novembre dernier. Il est accompagné ici d'un autre saxophoniste, lui aussi français, Étienne Jaumet, qui est aussi membre du duo Zombie Zombie. On a débuté le bloc avec A Call for All Demons, une pièce composée par Sonra, interprétée ici par le groupe américain Bitchin' Bias. C'est extrait de l'album Switch on Ra, une sorte d'hommage au musicien Sonra avec des sonorités plutôt électroniques. Un album qui est paru le 29 octobre dernier. Alors c'est tout pour les échangeurs d'air de ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.